À travers le temps, l'espace, les sentiments. À travers le temps, nous ne savons rien, nous ne savons rien, n'apprenons pas, nous continuons nos erreurs pas à pas, continuons. Human behavior, human behavior, human behavior. En situation, expérimentation. Perspective, human condition, human behavior, human behavior, human behavior, in certain condition. Not the same. Super Leto. Consentement, on qu'attend. Donne-moi ta main, camarade, ce qui est où les hommes sont. Où les hommes.